Vous suivez les projets de Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de ma plateforme? Devenez Patreon, patreon.com/papacassette. Le podcast de Papa Cassette est présenté par Level Up, le café numéro 1 des gamers. Bonjour à tous et bienvenue chez Papa Cassette, épisode 122. J'espère que tout le monde va bien. En ce vendredi 14 juillet, déjà, vendredi matin 14 juillet, ça va vite, ça va très vite. La vie, l'été, il fait chaud. Il fait chaud parce que je carbure à l'excellent café Level Up. Rendez-vous au levelup.coffee pour commander du beau café à thématique gamer. Rentrez le code promo PAPA10 à la fin de votre commande pour avoir 10% de rabais. Café Level Up, mesdames et messieurs, que je prends dans ma grosse tasse à la télévision. Par contre, ce matin, grosse tasse. J'ai beaucoup besoin. Je viens de me lever. C'est délicieux. Ah, ouais, ça fait longtemps que j'ai pas fait d'épisode. Je dis toujours ça en début de show. Hein. Anyway, fait que c'est ça. Je vais leur dire encore. Ça fait un petit bout. Ça fait un petit bout. J'étais dû, même. Je regarde mes sujets ici. J'ai pas tant de sujets de choses non plus qui se passent. Fait que, coudonc, on va commencer en parlant de Rétro Montréal. Rétro Montréal, j'ai fait un petit live la semaine passée. Vous avez vu, si vous l'avez pas vu, allez sur la page Facebook de Rétro Montréal. Et puis, pour dévoiler la nouvelle couleur, j'ai ajouté une couleur au branding, au brand de Rétro Montréal. C'est un genre de vert menthe, turquoise, pâle. Là, ça sonne à chier quand je vous le dis comme ça, mais ça marche très bien avec notre mauve et puis tout l'univers qu'on veut développer autour de ça. Puis, les peintres ont terminé la job. Ils ont fait ça en quelques jours. Là, ça a vraiment bien été. C'est surprenant. Puis, vous allez voir quand vous allez venir ou comme on va dévoiler des images de tout ça. Regardez le live. Vous voyez, c'est grand, c'est haut. T'sais. Puis, ils ont peinturé tout. Même le blanc, il a été remis blanc t'sais, pour un refresh. Puis, ça paraît. Là, le blanc, il était jaune. Tu sais, quand ça fait très longtemps, on s'en rend plus compte. Là. Mais le blanc était jaune, là, pour vrai, là, ça a vraiment fait du bien. Donc, nos couleurs sont là, le mauve est là, le vert est là. Les sections sont un peu séparées en fonction de ça. Section rachat, tout en vert, très important pour nous. On veut que le rachat soit agréable quand on vient chez Retro Montréal. Là, on est sur le bout du comptoir, là, puis il n'y a pas beaucoup de place, puis il faut aller tester au fond, là-bas, puis tout. Là, il va y avoir une grande table avec un ordinateur juste pour ça. 3 stations test, peut-être même 4 avec tout le câblage nécessaire. Puis là, il va falloir qu'on discipline nos employés à pas changer les fils jamais. Comme ça, tu arrives, tu testes la console, bing bang, c'est réglé. T'sais. Ben, enlever les amas de fils qui se font avec le temps pour que tout soit propre. Fait que ça va être... c'est bien excitant, ça. Vraiment content. Je vais prendre une gorgée de café avant de vous raconter une anecdote par rapport à ça. Il y a, comme vous le savez ici, il y a une voûte centrale. On est une ancienne caisse populaire. Puis on va faire quelque chose dedans cette voûte-là. Mais il y a une autre petite voûte à droite complètement dans le fond du magasin, là où sera notre coin console, avec elle aussi une grosse porte. C'est vraiment une porte, ça dépaisse, là, tu sais. C'est très, très lourd, là, juste à bouger soi-même un humain, là, tu sais. Puis dans cette petite voûte-là, il y a d'autres porte qui ferme là comme normal là tu sais et puis on va utiliser cette voûte là pour mettre notre over de console tu sais on va garder une Super NES sur le plancher en modèle entre guillemets puis nos 20 autres Super NES vont être là dedans puis comme ça va être proche puis ça va bien aller on a beaucoup d'over de console c'est bien important on en vend énormément puis c'est ça mais là les peintres ils ont fermé la grosse porte de la voûte pour la peindre tu sais. Ils ont été capables de l'ouvrir. Puis pendant les travaux, ben là, il n'y a pas de console dedans, mais on a comme des tablettes, là, puis des bouts de meubles, tout ça. On a tout mis ça dans la voûte, tu sais, parce qu'il n'y avait rien à faire là-dedans. Il y a du racking, fait, ça ne dérangeait pas si on mettait du stock là-dedans. Il n'était plus dans nos jambes. Mais là, ils ont fermé la porte, plus capables de l'ouvrir. Nos tablettes sont là-dedans, puis tout. Qu'est-ce qu'on était découragés? Comment faire pour ouvrir cette porte? Est-ce qu'elle est barrée? Tu pas à là-dessus, tu sais. Les peintres ont dit que non, qu'ils l'avaient juste comme pas. Ils ont pas essayé de la fermer non plus, mais ils l'ont à côté, là, tu sais. Mais c'est c'est que la façon que c'est fait, t'sais, c'est une porte dans le, fermée dans un mur, t'sais, t'as pas de... Quand tu tires, la porte est tellement lourde que c'est toi qui se rapproche du mur, t'sais. C'est pas la porte qui vient vers toi, t'sais, la porte, elle, elle bouge pas, là. C'est comme tirer un arbre, là, t'sais, c'est toi qui va vers l'arbre, tu comprends? Fait que c'est quelque chose. Fait qu'on a rushé, on était à deux avec une crowbar pis tout, à tirer là-dessus comme des malades, moi pis Joe, pis on réussissait pas pantoute. Fait que là, en tout cas, check un peu. On a trouvé une compagnie de coffre-fort qui est ici, pas loin, à, dans Schlaga, là, sur Moreau. Même rue que l'ancien local avant Arcade NTL. Et puis, eux autres, c'est une compagnie de coffre. Fait qu'eux autres, ils pouvaient venir sur place, vérifier ça, essayer de l'ouvrir. S'ils sont pas capables de l'ouvrir, avoir un perceur pour percer la porte, puis ensuite faire réparer la porte, puis tout. Là, je suis comme, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Là, je vois les 100$ virer, c'est-à-dire. C'est déjà 100$, eux autres, pour le call de service. Après ça, c'est 85$ de l'heure, de la minute qu'ils sortent, qu'ils mettent un pied dehors de leur usine. Dieu merci, leur usine n'est pas loin, mais quand même, tu sais. Fait que là, même si c'était à 7 minutes de char, cette usine-là, ce monde-là, ils te chargent une heure aller, une heure retour, là, tu sais. Puis, c'est ça. Fait que là, je suis calé, ça va coûter cher. Puis que là, le peintre n'avait pas fini la job. Il a fini la job. Fait que là, il attendait d'être payé. Mais moi, j'attendais de voir combien ça allait coûter le coffre. Tu sais, j'allais dire, man, tes gars, ils ont fermé la porte, tu sais, avec nos affaires dedans. On a besoin de nos affaires, puis on a besoin de ce rangement-là, tu sais. Mais là, avant de devoir appeler les peintres hier matin, je me suis renseigné une dernière fois. Fait que je me suis mis debout sur le mur, tu sais, comme, me suis pris sa poignée à deux mains comme ça. Je me suis mis une jambe de chaque bord de la porte, puis là, je tirais de même de toutes mes forces, tu sais, en poussant avec mes pieds, comme pour tirer la porte, hein. Bon, j'étais perpendiculaire au mur, là. Je tirais de toutes mes forces. J'ai réussi à y donner une petite craque de plus, à l'ouvrir un petit peu plus. Là, je me dis, c'est pas fini cette histoire-là. Fait que j'ai pris un break. C'est comme un entraînement en puissance. Hein. Tu forces tout ce que t'as. Je suais. J'ai réouvert. Encore une petite affaire, mais t'es pas ouverte du tout encore. La porte fait un pied d'épée. Mais là, c'était suffisant. Après ça, j'ai pris la crowbar. J'ai ajusté d'une autre façon. Puis je me suis fait un levier. Puis j'ai pu tirer à deux mains. Puis là, ça a fait. Pouf! Elle a ouvert comme d'un coup. Là, t'sais. Comme s'il y avait quasiment comme une suction d'air. Là, j'ai réussi à ouvrir la porte. Tout ça pour ça, c'est quelle histoire. C'est rien pour vous, mais pour nous autres, là, c'était une petite casse-tête. Puis on savait pas trop. Fait qu'on a cancellé les spécialistes de coffre. Venez pas, sortez surtout pas de votre usine, gang. Venez pas nous voir, mais on les garde dans notre back pocket d'un coup qu'il y a une autre affaire qui arrive par rapport à ces portes-là. Et puis, le peintre, ni vu ni connu, il n'y aura pas ces fucks-là. Fait que c'est merveilleux. Fait que là, il faut vraiment la porte du plus gros coffre, elle, il y a comme une grosse botte de vissée dans le béton du plancher pour la bloquer. Elle bougera jamais, là, tu sais. Elle est bloquée ouverte. Mais l'autre, on peut la bouger. Fait que là, on voudrait pas qu'il y ait genre un grand frère qui s'amuse à enfermer son petit frère, esti, dans le coffre pendant que ses parents magasinent les jeux ou je sais pas quoi, puis qu'on est plus capable de sortir. On voudrait pas qu'il y ait des humains prisonniers dans notre coffre, tu sais. Fait qu'il va falloir trouver une solution pour fixer cette porte-là une bonne fois pour toutes. Ça sera fait. Ça sera fait. Mais quand les travaux vont être finis, là, on va trouver une affaire là, parce que, waouh, c'était vraiment un bordel. Puis là, ben, c'était le fun, la compagnie de vinyle qui font aussi nos enseignes sont venus enlever les vieilles enseignes. Et puis tout le pourtour en métal. Puis là, là-dedans, c'est des vieux néons, tu sais, qui marchent plus, ça allumait plus. Il y a un œil magique sur ces affaires-là pour que ça s'allume quand il se met à faire noir, tu sais. Donc c'est merveilleux, mais tout ça là, n'allumait plus. Et puis, c'est ça, c'était au néon et tout, puis là ça va être transféré au LED, et puis il faut voir l'électricité et toute la patente derrière ça, fait que ça va être fait. Ils vont mettre nos enseignes au retour de la construction. Là. Vinyle partout dans les fenêtres, puis à l'intérieur vont être posés. Hey, c'est-tu tannant? Comment je filme? Vont être posés au mois d'août. Après la construction, puis ça, j'ai vraiment hâte, là, tu sais. Fait qu'entre-temps, là, la semaine prochaine, on va faire un beau ménage. La compagnie de ménage va nous aider aussi. Puis on va placer nos meubles, ceux qu'on a, parce qu'il y en a au magasin, on peut pas les amener. On est encore ouvert là-bas. Puis on va voir, là, qu'est-ce qui va où, nos comptoirs sont commandés, puis tout. Puis on va vraiment prendre plus le feel de la place, puis continuer de débarrasser des meubles qu'on risque de pas avoir besoin, qu'on n'a pas besoin. Il nous reste encore du débarras à vendre, en vente de débarras. On va faire ça la semaine prochaine, continuer de vider, ça va être parfait. Là, excusez, parce que j'ai ouvert une page Facebook ici sur la page de Limited Run pour parler de Limited Run tantôt, puis là, Messenger arrête pas de popper sans arrêt. Fait que, je vais essayer de trouver autre chose. Vous voyez, moi c'est, je suis très notifié. Alors, y a-t-il un spécial Limited Run sur le site de Limited Run? Spécial showcase. What's new? Coming soon. Bon, on verra plus tard. Excusez. Tiens, je vais fermer ça, en fait. Puis voilà. Nous, c'est pas de la bonne TV, excusez. Nous revoici. Ouais. Fait que là, on a commandé nos comptoirs pour la caisse, pour le comptoir de rachat et le comptoir de la zone test. On a des très gros luminaires circulaires, cylindriques, accrochés au plafond. Il y en a trois. Ils sont énormes. Vous pouvez les voir sur le live. On fait quelque chose avec ça aussi. On fait quelque chose avec la voûte. Fait que tout est dans tout. C'était Amazon Day aussi cette semaine. On a commandé des TV pour mettre sur le mur. Puis c'est ça, on y va. On clenche tout ce qu'on peut clencher. Là, les bureaux sont finis, sont peints. On va pouvoir les réaménager proprement. C'est ça. Donc, on se place là. Mais là, tu sais, tant que le vinyle n'est pas fini, on peut pas. Le vinyle, ça va être bien important. Mais c'est ça, là on est rendu à planifier qu'est-ce qu'on va mettre où, tu sais, la marchandise, nos jeux. Puis ça va être un casse-tête, il va falloir le planifier. Genre on va aller au magasin, notre présent magasin, on va mesurer une largeur on va mesurer la largeur de tous nos jeux Xbox 360 dans chaque rack, tu sais. Combien ça fait de large, fait combien il en rentre ici par présentoir, mettons, tu sais. Fait que là on va pouvoir savoir un peu qu'est-ce que ça représente. Mais je pense pas qu'on va réussir à savoir précisément comment est-ce que tout ça, qu'est-ce que ça va représenter pour vrai. Mais on va voir, là, il va falloir essayer de planifier ça. Mais moi, de mon côté aussi, là, je suis extrêmement occupé à faire de la merch. Parce que oui, on va commander des choses autres que des jeux vidéo chez nos fournisseurs. Des affaires le fun, là, des toutous, des casquettes, des bas, des tucs, des portefeuilles, des porte-clés, des trucs, plein d'affaires de gaming, pas trop non plus, mais on fait aussi beaucoup notre merch, puis c'est ça qu'on veut mettre de l'avant. Donc on aura des t-shirts long sleeve en fait, des long sleeve, t-shirts à manches longues, des hoodies, tucs, je suis pas sûr. Non, truc je pense pas, casquette et puis d'autres trucs aussi là qu'on va regarder, peut-être des verres à vin, des tasses à café, des verres de plastique là, pour la bière là, t'sais. Quoique là l'hiver va s'en venir, fait que c'est peut-être moins été, t'sais. Moi je vois ça plus comme l'été là, des verres de plastique, mais on verra. Fait que tout ça, faut tout faire ça, et moi il faut que je brand ça, t'sais. On fait pas juste mettre un logo sur chaque affaire et c'est fini, t'sais. On s'amuse, mettons, avec ça. On veut faire des affaires qui sont drôles, des affaires funnées. Et puis, il y a beaucoup d'exploration à faire à ce niveau-là, au niveau des couleurs aussi, et tout. C'est quasiment comme faire une collection, tu sais. Je suis comme en train de designer une collection, là, si je peux dire. Ben, je dis « je ». Il y a Joe aussi qui m'aide avec certains aspects, puis je vais en révéler tout ça plus tard. Mais c'est ça. Fait que là, je suis à temps plein là-dessus. Fait que quand je raccroche avec vous autres, je m'en vais voir sur internet des fournisseurs qu'on a trouvés, puis je leur envoie toutes mes maquettes et puis comment ça coûte faire imprimer tout ça, et puis c'est là que je suis rendu. Ah, le café fait du bien. Fait que c'est ça pour Retro Montréal. Aussi, on a fait des changements sur notre site web, des choses que vous voyez pas. Mais il y avait des choses brisées et puis des choses qu'il fallait améliorer. Et puis pour nos amis anglophones, il y avait des aspects à régler là, tu sais, par rapport à notre visibilité sur Google, puis sur notre site web aussi. Donc, quand tu étais en anglais, des affaires qui sortaient en français ou qui étaient broken puis tout ça. Puis pour avoir un meilleur SEO, pour mieux sortir dans les search engine, il faut fallait réparer quelque chose d'assez majeur, en tout cas faire une grosse transition. Comme je dis, pour vous, tout ça est invisible. Pour nous, ça fait comme des semaines et des semaines, genre que Martine est là-dessus, c'est plus son département. Et puis en communication avec d'autres personnes, tu sais, pour vérifier que quand on va lancer la transition, que notre site casse pas, genre, puis que ça soit le bordel, puis que ça nous prenne des mois à le réparer, puis qu'on perde des ventes. Fait qu'il fallait que la transition se fasse smooth. Et puis il y a plein de tests qui ont été faits, plein d'affaires. Comment on va la faire, cette transition-là? C'était super compliqué, tu sais. On a fait affaire avec plusieurs personnes pour trouver la bonne personne qui avait la meilleure solution. Puis tout ça a été fait cette semaine, après des semaines et des semaines. On a retenu notre souffle, puis coup, la transition a bien été. Mais là, en fouillant, depuis 2 jours, on se rend compte qu'il y a des affaires qui sont broken. Fait que des affaires quand même plus majeures du côté anglais. Donc, on va regarder avec nos amis professionnels, voir s'ils peuvent nous aider avec ça. Faut régler ça. Mais tout ça est invisible pour la plupart d'entre vous, mais était quand même visible pour les anglophones. Et puis, il ne faut pas oublier que le marché anglophone au Québec et à l'extérieur du Québec, pour nous, c'est des parts de marché très importantes. Et puis, il faut les accommoder, les Anglais. Il faut qu'ils soient à l'aise sur notre site web, que ça n'ait pas de l'air, genre tout croche, de transition, de description qui deviennent en français, puis quand ton shopping cart d'un coup il est en français, tu sais, comme faut que tout ça soit tight. Fait faut régler toutes ces affaires-là. Parce que là, notre site web, il est vieux. Il va falloir changer complètement notre site web aussi éventuellement. Puis ça, on le voit comme un gros projet de après l'ouverture du magasin ici. Parce que ça va coûter cher, puis ça va prendre du temps. Mais ça va être un très, très gros projet. Puis, ça va être un projet très important. C'est nos plateformes de vente qu'on travaille, dans le fond. Là, on ouvre un gros magasin pour faire plus de ventes au magasin, pour être plus efficace en personne avec vous. Rentrer plus de stock, faire plus de ventes, que tout le troule, que tout marche. Attirer les gens, faire plus de rachats, faire plus de ventes. Tout ça. Puis ensuite, la même chose devra être faite pour notre site web. Que vous soyez à l'aise quand vous venez, que ça soit clair, que ça soit propre, qu'on soit capable de vous annoncer des choses. Donc, c'est des gros investissements. Fait qu'il faut penser à ça. Puis moi, ça m'excite. Au plus haut point, j'ai vraiment hâte à notre prochain site web. J'ai hâte au magasin, là, tu sais. Mais là, c'est parce qu'on est tellement dedans. On est en train de le faire, puis on s'en rend plus compte. Mais comme le nouveau site web, ça j'ai vraiment hâte aussi, là, tu sais. Fait que si on fait pas faillite avec notre gros magasin, bien sûr. Parce que c'est plus tranquille, hein, ces temps-ci, vraiment. Puis je pense pas qu'on est en récession encore non plus. On commence, tu sais, un peu. Fait que ça va être... faut falloir faire attention. Je pense qu'il y a pas... Nous, les ventes se maintiennent. Tu sais, mettons, comparé à l'année passée, on surpasse pas l'année passée. On n'est pas en dessous. On est à peu près pareil. Mais le but dans une entreprise, c'est tout le temps d'avoir des meilleures ventes année après année. Mais là, présentement, c'est le statu quo, mettons. Fait que, puis vous savez, on s'apprête à augmenter nos dépenses de façon importante avec un plus grand espace. Alors, ça nous prend plus d'argent. Fait qu'il va falloir que ça marche. Mais là, l'économie est de la merde. Puis je pense pas que c'est juste nous, tu sais. Je parle à tout le monde, dans plein de domaines différents. Que ce soit, t'sais, en ingénierie, au bord, c'est différent aussi. Dans la vente de ci, de ça, tu sais. Je connais du monde un peu partout. Et puis, il semble avoir un ralentissement global de l'économie. Mais je sais, je le vis moi-même. Mais si, ils viennent de monter le taux d'intérêt encore. Moi, je suis variable. Fait que, ça commence à coûter cher, tout ça. T'sais, on n'est plus... on commence à checker ça, là, et à se sentir un peu nerveux, là, par rapport à ça, quand même. T'sais, moi, nos paiements, là, ils viennent de monter de 500$, là, de crise, ça paraît, ça, là. Nos dépenses, faut baisser les dépenses, il faut faire attention. Fait que c'est dans cette économie de marde-là qu'on patauge présentement. Mais je pense que si on peut se maintenir en vie à travers ça, puis que ça aille bien, ça va vraiment payer par après. T'sais. Fait qu'il faut pas lâcher, faut passer la tempête. C'est plate parce qu'on vient juste, on vient de passer une tempête, la COVID, mais je pense que la tempête, je pense que ce qu'on vit présentement au niveau économique, est dû à la COVID, tu sais. Fait que ça, la COVID, la COVID physiquement, tout ça, c'était une chose à passer au travers, à être confiné, toute cette crise de marde-là. On s'en ennuie pas. Puis là, à cette heure, on en subit l'après-coup de genre l'économie de marde qui va avec. Fait que pas trop souvent, s'il vous plaît, des cataclysmes comme ça. C'est long, là, avant de revenir à une vie normale, une belle économie et des gens heureux. Parce que là, les gens sont comme pas heureux non plus, tu sais. C'est qu'on est vraiment calice, on rush, là. Je pense que ça, c'est ça. Ça va prendre une couple d'années avant qu'on se replace. Les gens sont en colère encore, tu sais. Les gens sont pistes. C'est pas plaisant. Ouais. Alors, qui sait qu'on allait vivre ça? C'est moins pire qu'une guerre, hein? On a toutes nos maisons, si personne meurt, c'est ça qui est ça, mais quand même, c'est pas plaisant. Ça va-tu être le mal que j'aurais vécu dans ma vie, tu sais? Mettons qu'une personne vit 80 ans, ça va bien, tu sais. Ça passe des affaires dans 80 ans, là. Il y a des gens qui ont vu les deux guerres mondiales, tu sais, et d'autres, tu sais. Il y a du monde qui ont vu tout ça, tu sais, des grosses récessions, des grosses affaires dedans. Des maladies, tu sais, nous autres, la COVID, je pense que ça va être à souligner. Moi, j'ai 43 ans, fait que dans les gens qui ont vécu, qui sont en vie présentement, la COVID va être un point marquant. Puis, la petite économie poche qu'on a présentement, mais c'est en même temps, c'est pas la fin du monde non plus. Fait que, à suivre. Fait que, sinon, j'étais de passage à Lambton. Ça, c'est un village. Je sais pas si c'est encore dans les cantons de l'Est. Mettons que tu pars de Montréal, tu t'en vas vers Sherbrooke, tu continues tout droit. Tu t'en vas vers Thetford. Puis à un moment donné, whoop, Lambton. Puis c'était l'oncle à ma blonde qui ont un domaine là-bas, en fait, un très gros domaine. C'est magnifique. Leur grand-père a eu une belle vision. Le grand-père de cet oncle-là a racheté à l'époque tous les terrains sur le bord de l'eau. Et puis, il a demandé à ses enfants qui voulaient embarquer, il y en a-tu qui veulent payer, puis non. Tu sais, c'est drôle, il y en a qui ont dit non, puis il y en a qui ont dit oui. Fait que tous ceux qui ont dit oui, maintenant, aujourd'hui, tant d'années plus tard, ils ont leur chalet sur le bord de l'eau. Et puis, il y a une espèce de gros quai en béton qui était là depuis longtemps et puis qu'aujourd'hui, il n'aurait plus le droit de faire. Mais là, c'est comme acquis, fait qu'il est là, tu sais. Ils n'ont pas le droit de le rénover, par contre. Fait que l'année, à partir de l'an 2000, je pense, 2000 quelque, whatever, il n'avait plus le droit de l'entretenir. Fait que là, ils l'ont comme mis propre avant. Puis là, ben, il va toffer jusqu'à ce qu'il meure, là, ce quai-là. Mais c'est quand même très cool, tu sais, d'avoir ça. Fait que du bateau, une plage. Puis quand c'est... Il y a genre 8 chalets là, dans ce coin-là. Là. C'est toute la famille. Fait que c'est le domaine de la famille, tu sais. Fait que c'est vraiment impressionnant. Bravo au grand-père d'avoir vu clair là-dedans. Dommage pour ceux qui n'ont pas voulu embarquer à l'époque. T'as des pinottes, puis aujourd'hui, imagine, t'as ça. Faut penser à ça aujourd'hui. Puis je me questionne aussi, personnellement, par rapport à ça, tu sais, l'héritage familial, la dynastie, tu sais. C'est important. Les parents de mes parents, tu sais, du bord, ont laissé de l'argent. Tu sais, c'était des plus grosses familles. Du bord à ma mère, il était 5. Tout le monde a eu un héritage. Ma mère a eu son héritage, des choses. Ses parents avaient une maison à Thetford. Des autos, de l'argent un peu, mais personne n'était millionnaire, là. Fait que les 5 enfants ont eu leur héritage. Ma mère, elle a placé ça, je sais pas, elle a utilisé, whatever. Ma mère n'est pas très dépensière. Puis mon père était juste 3, mais leurs parents, ils n'avaient pas d'argent, là, tu sais. Fait qu'ils n'ont eu rien. Fait que là, moi et ma sœur, moi j'ai une sœur, et puis on va hériter de nos parents un jour. Alors nos parents sont pas des millionnaires, mais ils ont une maison, fini de payer, puis ils ont de l'argent. Mais d'un autre côté aussi, quand nos parents vont être plus vieux, s'ils ont de besoin, il va falloir les placer quelque part de propre. Puis ça, ça coûte cher en maudit, là, ça va être 2000$ par mois, là, tu sais. Fait que ça va vite, faut penser à ça. Mettons, on vend la maison, faut vendre la maison pour placer nos parents qu'ils soient bien, tu sais. Fait qu'il faut penser à ces affaires-là. Tout ça pour dire que l'argent qui se passe de génération en génération, il est supposé aller en grandissant, tu sais, en utilisant le patrimoine qui grandit tout le temps. Fait que je me questionne... excusez, je regardais mon OBS qui me disait quelque chose. Donc, je me questionne, moi, tu sais, moi, ma soeur, on aura un héritage, tu sais, ça fera pas nous des millionnaires du tout. Mais moi, j'ai un immeuble, qu'est-ce que je fais avec ça? Je le garde dessus ou je le vends? Pour moi, ma blonde, on s'amuse avec ça plus tard, tu sais. Je sais pas, faut y penser. Parce que là aussi, ben justement, les taux d'intérêt montent. Fait que présentement, je suis comme locataire chez nous. Moi, je paye même pas de capital présentement. des grenouilles, là, tu sais, parce que j'ai pas les moyens. J'ai pas les moyens. Mes deux enfants vont. Ben, mon deuxième enfant va aller à l'école privée aussi. On vit normalement, tu sais. Vous me voyez avec la même crise de linge depuis 6 ans. Fait que, c'est ça. On veut nos petites vacances au Québec, une petite affaire, mais on fait bien attention à tout. On fait nos lunchs à tous les midis, on mange nos lunchs. On va pas au resto à outrance, tu sais, pis tout. Bref, on fait bien attention. J'ai du café Level Up gratuit. Moi, tout ça, c'est pour pouvoir payer le loyer que je veux des gratuités. Fait que là, présentement, on n'a pas. Tu sais, puis on réhypothèque notre immeuble pour racheter notre char, parce que le char était fini. Puis on réhypothèque pour des. Tu sais, le fer forgé qu'il fallait faire. On n'a pas la liquidité, là, tout le temps, de tout payer de suite, là. Fait que, tu sais, quand est-ce qu'on va finir de payer ça, cet immeuble-là, si présentement, en plus, on met pas de capital parce que l'économie est pourrie, tu sais, je sais pas, à 70 ans. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va-tu, à un moment donné, ça va être trop grand aussi. Là, nos enfants vont s'en aller. C'est très grand chez nous quand même. Pour ça qu'on est bien. C'est le fun. Avec le grand sous-sol que vous avez vu, l'évolution de ça en écoutant les podcasts de Papa Cassette, le creuser le sous-sol. Là, on est super bien. C'est merveilleux. Mais ça va être trop grand à un moment donné. Là. Fait que, on va-tu louer? On va-tu vendre? Mais là, si on vend, tu sais, ça peut aller à nos enfants. Ça, là, ils partent avec ça dans la vie, eux autres, imagine. C'est un bel héritage. Mais là, faut pas être égoïste. T'sais. Nous autres, les parents, faut penser à ça. Ça me fait questionner. Je pense à ça présentement. On dirait, moi, je pense comme si j'allais mourir demain, là, tu sais. À moins d'un accident, techniquement, j'étais à la moitié de ma vie, genre. Peut-être. Un peu moins. Je sais pas. Ça va vite pareil quand tu penses à ça. Je pense que c'est ça, la quarantaine. J'ai pas eu de crise de quarantaine. Genre, oh, je suis triste. Je m'accomplis, je suis heureux. Mais là, je me vois vieillir un peu, puis ça me dérange. Tu sais, mon corps, il lâche un peu des places, puis tout. Fait que, ouais, ça. Puis je pense à l'avenir, je pense à des affaires comme ça, tu sais, mes entreprises. Ou si je vais ouvrir un autre projet, tu sais, c'est comme. C'est de l'argent à mettre, faut que le retour soit assez rapide pour en profiter, tu sais. En tout cas. Ça pour dire, j'étais à Lambton, au chalet. Puis là, en revenant, on a passé par Sherbrooke. Je suis allé à la ville de Sherbrooke. Mon lien avec la ville de Sherbrooke est que j'ai fait mon deck en graphisme au collège de Sherbrooke de 1997 à 2000. Alors, j'ai une petite nostalgie de cette ville-là. Puis, j'aime ça y retourner, mais j'y retourne vraiment pas souvent. Puis là, ma blonde était d'accord pour qu'on bifurque, on passait juste à côté, puis qu'on aille faire un tour là-dedans. Fait que j'étais allé voir la maison où est-ce que j'avais ma chambre. J'habitais dans la même chambre. On était 5 chambreurs dans le sous-sol d'une grande maison. Et puis, on était bien, là. Les proprios étaient en haut, on était en bas. Il y avait un escalier, c'était fermé, personne ne dérangeait personne. Puis, les proprios étaient cool. Et puis, moi, j'ai vécu là pendant 3 ans, dans ces chambres-là, avec d'autres personnes. C'était des belles années, des beaux souvenirs. C'était juste à côté du cégep. Fait que je suis retourné montrer ça à mon kid, ma blonde, mon pavillon, tout ça. Puis, je trouvais que c'était délabré. Vraiment, là. Ce quartier-là était délabré. La végétation, partout, tu sais, ça faisait... on dirait que ça absorbait les routes pétées, tu sais, comme... Je trouvais ça vraiment délabré. Je sais pas si c'est moi qui voyais pas ces affaires-là à l'époque parce que je partais de la Beauce, puis là, j'étais dans une grosse ville. La grosse ville de Sherbrooke. Wow! Je trouvais ça big, là, tu sais, je capotais. Mais non, pour vrai, je trouvais ça laid en crise. Désolé pour les gens de Sherbrooke. C'est ça. Mais c'est pas grave parce que vous dites tout que Montréal est laid, là. Puis vous avez raison. Pas laid à grandeur, là, tu sais. Chaque ville a ses problèmes, n'est-ce pas? J'ai vu quelque chose d'ailleurs, tu sais, quand je parle de gens aigris, puis moi je vois les commentaires comme ça. Il y avait un article du Devoir sur je sais pas quoi sur Facebook, puis Montréal qui reçoit une tuile sur la tête à cause de telle affaire qui marche pas finalement. Dans les commentaires, quelqu'un qui écrit: moi, si Montréal, moi pour chaque tuile que Montréal reçoit, je suis bien content, tu sais. Quelque chose de même. Bien content, lui, que Montréal reçoive des tuiles, tu sais, puis que Montréal échoue ou il y a des problèmes. Parce que, guys, c'est pas Montréal contre le Québec, tu sais. Il n'y a personne qui devrait être contre. Il n'y a personne de contre, tu sais. Moi, je ne vais pas être content si Québec reçoit une tuile. Je ne vais pas être content si Sherbrooke reçoit une tuile. Je ne vais pas être content si Rimouski reçoit une tuile. On est au Québec, c'est tabarnak. Tout le monde ensemble. Puis, tu sais, veut pas, même si ça fait pas plaisir à du monde, vu sa grosseur et son emplacement, et son commerce et tout, Montréal est crissement important pour le Québec, tu sais. C'est une grosse ville, là, guys. en Amérique du Nord, quand on check avec les États-Unis. C'est une grosse ville. C'est important. Il y a de l'argent ici. Il y a des choses qui font avancer le Québec. Là, t'sais. C'est pas... Vous devriez être content que la ville aille bien parce que votre Québec va bien aller. T'sais. On est tous ensemble là-dedans. Là. Moi, j'en reviens pas de l'égoïsme de ces gens qui sont comme « Sti, Montréal, faut que ça meure, Montréal. » Chris, faut pas que ça meure. On a besoin de ça. On a tout besoin que tout le monde reste en vie. C'est toutes les villes, tous les villages. Sti, let's go. Moi, ça me tue, là, ça. Là. Comment est-ce que le monde sont épais? Là? Travaillons ensemble, sacrement. C'est ça mon slogan de électoral. Travaillons ensemble, sacrement. Ça va être ça. Le titre. Fait que, ouais, Sherbrooke, je trouvais ça un peu délabré. Mais bon, voilà. Puis, j'avais droit à aller faire du game chasing, mais il fallait pas que je tire trop. T'sais. Fait que, c'est pas ma blonde qui disait là, juste deux magasins. C'est moi qui sais ça. Sans, je comprends le non-dit. Fait que, on est allé au Play and Trade, qui, je pense, a déménagé parce que Martine était allée au Play and Trade, elle, puis ça ressemblait pas à ça pantoute. Fait que je pense qu'ils ont peut-être brûlé, ou la pancarte était brûlée dehors, puis c'était un peu tout croche. Puis là, j'étais allé à une place, Play and Trade, puis c'était bien propre. C'était super beau. Puis la pancarte dehors, tout était neuf, tu sais. La pancarte dehors, là, dans les racks, tout, c'était très bien. Malheureusement, j'ai rien trouvé pour moi. C'est dur de trouver des affaires pour moi. Il y avait deux jeux de Super NES que j'avais pas, mais en toute honnêteté, il était, tu sais, genre le jeu à 15$ Price Charting, qui était à 30$, là, ouais. Je suis d'accord, là, un 5 de plus de price charting, tu sais, pour des petits jeux. C'est le même qu'on price ici, là, tu sais. Mais mettons un 20 de plus, tu sais, pour un jeu de merde, ça, non. Fait que ça, c'est un peu décevant, mais sinon, je regardais un peu tout. Il y avait, mettons, des Pokémon en boîte, puis tout ça. J'ai pris des photos pour comparer avec mes prix, tu sais. Puis, je dis mes prix, c'est pas moi qui fixe les prix ici, là. Notre équipe s'en charge, puis on était pas mal pareil, là, tu sais. Fait que. Mais je peux comprendre aussi, tu sais, quand t'as beaucoup de stock, nous, on passe pas, nous, on revise les prix en rentrant du nouveau stock, tu sais. Mettons, on rentre tel jeu au GameCube, Spider-Man, ouais, Metroid Prime, tu sais, mais qui a monté, là, qui est en train de redescendre, tu sais. C'est quand on en rentre un nouveau, on voit le prix de notre fiche, on voit le prix price charting, on regarde un peu le marché. Là, c'est comme, OK, il a jumpé de 20$. Bon, ben, on en a plus, alors maintenant, ils vont être 20$ de plus, tu sais. Puis après ça, on les met, on les vend. Puis après ça, des mois plus tard, on en reçoit d'autres. On retourne dans la fiche. Oh boy, on le vendait 50$. On regarde, il est rendu à 25. Bon, ben, à cette heure, c'est 25, tu sais. Notre révision de prix se fait à mesure qu'on rentre des jeux. Puis qu'on s'en rend compte, tu sais. Parce que, Chris, on a des dizaines de milliers de jeux. Là, on peut pas réviser tout ça, tu sais. À un moment donné, on prend un moment, puis on a fait une publication là-dessus pour réviser les plus gros, là. Les jeux à 1000$, puis tout. Parce que ça bouge, puis... Puis il faut que ça bouge aussi, là. Mais bref, voilà. Donc, tout ça pour dire que si dans un magasin, peu importe le magasin, un prix est quand même plus élevé, tu sais, des fois, c'est parce qu'on n'a pas révisé le prix depuis longtemps parce qu'il y en a bien trop à faire. On fait tout notre possible. Le Play and Trade y compris, puis c'est bien correct. Alors, pas de stress, j'ai pas pris ça. Il y avait un super beau Cement Factory, l'usine de ciment de Mario. Game & Watch, CIB, dans un présentoir. C'était vraiment un bel item, ça. Coupe de jeux en boîte et tout, mais il y a de quoi pour tout le monde. Mais moi, j'ai beaucoup de ce que j'ai de besoin, je l'ai pas mal. Fait que je suis rendu à creuser tout le Super NES que j'ai pas. Je regarde les jeux de Game Boy Color loose un peu, puis cette affaire-là. Des upgrades. Jeux Switch, je regarde même plus. On commande tout ce qu'on veut ici, tu sais. Fait que jeux Wii, il y a deux, trois trucs que je voudrais. Puis que finalement, je me dis, je vais peut-être vendre tout mon Wii à un moment donné, je sais pas. Fait que je suis pas tant motivé, là. Hey, j'ai un appel. Un instant. Oui, allô? Oui? Oui, ça va bien, toi? Ouais, OK, parfait. Je vais envoyer quelqu'un pour t'ouvrir. Oui, je l'ai dans mon bureau ici, il n'y a aucun problème, je vais te faire ça. OK, merci. Bye. Oui, bye. Et voilà. J'envoie un petit message. Ce sera pas long. C'est les peintres. Et OK. Ben, j'enregistre avec vous. Je ne veux pas couper puis m'en aller puis revenir. Alors, les peines viennent de finir une petite job. Fait que, play and trade, il y a de tout pour tout le monde. Et puis, c'était bien propre. Ensuite, on est allé manger. Ensuite, on est allé au Spoutnik. Moi, dans mon temps, le Spoutnik était plus haut sur King, à côté du Chicken, pas loin de là. Le Chicken existe encore. Ça, c'est comme un haut-coq, mais à Sherbrooke, pour la rue King. Chicken, rue King, Chicken. C'est-tu malade, ça? C'est malade. J'ai jamais inventé ça. Je suis content que ça existe encore. Ça avait comme ouvert dans le... Ben, je pense que ça avait ouvert. En tout cas, moi, j'ai vu ça pour la première fois quand j'étudiais là-bas à l'époque. Fait que, très cool. Et puis, mais on n'a pas mangé au Chicken. On a mangé chez Louis. Mais ouais, le Spoutnik, on va revenir au manger après. Le Spoutnik, il est rendu dans la côte, pas dans la, je sais pas, la, je sais pas comment le dire, plus vers le centre-ville. Et puis, j'y étais déjà allé à cette place-là. Et puis, le Spoutnik a vendu, a changé de propriétaire aussi. Le propriétaire du Spoutnik de Alma est maintenant le propriétaire du Spoutnik de Sherbrooke aussi. Fait que c'est ça. Donc, c'est bizarre comme place parce que c'est comme un appartement, tu sais, avec des pièces un peu partout, des portes en arche. J'avais ça, moi, à mon ancienne maison aussi. Fait que dans une pièce, t'as tout le Xbox. Dans l'autre pièce, t'as les cassettes. Dans l'autre pièce, t'as du Switch. T'sais. Tout est un peu dispatché comme ça. Fait que c'est assez spécial. Faut se promener. Et puis, j'ai trouvé deux jeux de Super NES. J'étais bien content. Un upgrade pour Wiz. Donc, et puis un autre jeu là, que j'avais pas, Power Fighter, machin, je pense, quelque chose comme ça. Et puis, que je vais essayer d'ailleurs, je l'ai essayé vite fait, voir s'il marchait. Chris, ça a l'air pas si pire. Un jeu de Culture Brain. Ouais. Bon, en tout cas, vous regardez ma page Facebook, Papa Cassette, je l'ai publié là-dessus. Donc, il y avait de quoi là, c'est un genre de beat'em up, mais qui a pas de niveau, tu sais. Tu fais juste avancer sur le même niveau puis taper le monde, là, comme. Dans le bon vieux temps. Fait que je vais essayer ça. Ça a l'air pas pire. Et puis voilà. C'était bien. C'était gentil. Puis à Sherbrooke, il y a une autre place qu'il faut aller. C'est Jeux Plus. Qui est Jeux Plus le Mago maintenant. Ça a été racheté par la franchise Le Mago. Et puis on avait discuté avec Jeux Plus à l'époque aussi pour voir si nous, on allait les racheter. Ce qu'il souhaitait, lui, faire, c'est bien sûr vendre sa business à Ziz et que quelqu'un reprenne la business. Mais nous, on n'allait pas ouvrir une franchise à Sherbrooke. Là. C'était pas dans nos plans. Ben trop compliqué. Et puis, mon téléphone sonne encore. Un instant. Oui, allô? La porte de la cuisine, oui, si vous vouliez la faire, ça serait très bien. Vous en aviez parlé, là? Non, je vais venir vous voir. Ouais. OK, merci. Il va y avoir une coupure ici, mesdames et messieurs, parce que, bien sûr, c'est jamais clair, alors je reviens. Me revoici. Alors voilà. Pour ça que j'enregistre pas souvent non plus. Avant, je faisais ça le matin comme ça, mais je suis tellement comme tout le temps pris le matin. Faudrait que je fasse le soir, mais comme je dis, j'ai de la misère. Bref. Alors, mon pain est enligné. Fini ça. J'ai fait un chèque tantôt. Ça va être fini pour vrai. Fait que Sherbrooke, Spoutnik. Alors, j'ai trouvé ça. Je suis bien content. J'ai soufflé. J'ai couru dans les marches. Ensuite, on est allé manger chez Louis. Les restaurants Louis, une autre chose qu'il n'y a que à Sherbrooke, du moins il me semble. Quand j'étais jeune, il y en avait un à Thetford Mines, je me rappelle. Ensuite, ça a été un Kentucky, ou l'inverse. Puis tout ça a fermé. Je serais curieux de revoir aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a là-dedans. C'était fait sur le long, là. C'est quand même nice. On n'y est jamais allé. Je sais pas pourquoi, je remets ça. Mes grands-parents, c'était le McDo et puis le Saint-Hubert. Mais il y avait un Cockerotti, ça c'était nouveau, à Thetford de Cockerotti. On n'a jamais mangé là. Kentucky, on n'a jamais mangé là. Colin, je veux faire vivre ces affaires-là à mes enfants. Fait que, ouais, chez Louis, burger, poutine, machin. Burger moyen, là. La poutine était bonne, par exemple, la sauce était bonne. Fait que on était mangé dans cette institution. Puis, direct à côté du Louis, il y en a deux Louis sur la rue King, encore une fois. Celui dans le milieu de la côte, c'est là qu'on est allé, le plus petit. Il y en a un plus gros dans l'autre sens, plus proche du cégep. Puis, il y avait un pawn shop à côté. Et puis, tant qu'à être à côté, on va rentrer, on va aller voir ça. Gros pawn shop, toi, propre, immaculé. Il y avait des quatre roues là-dedans, style, des motos, des affaires. Il y avait du stock, tu sais, mais tout était bien aligné. Deux métalleux en arrière du comptoir qui avaient mis de la musique métal, puis tout. Puis tout de suite en rentrant, il y avait la grosse armoire vitrée de jeux vidéo, tu sais. Fait que je regarde tout ça. Il y avait une couple de belles choses, là, quand même. Il y avait des jeux. Encore une fois, toutes ces photos-là sont sur ma page Facebook. Puis j'ai vu au travers des Hurricanes, qui est un jeu de Super Nintendo de soccer. Mais c'est pas un jeu pour jouer au soccer. C'est un jeu que c'est des joueurs de soccer qui kickent des ballons. C'est un platformer, tu sais. Fait que t'attaques en kickant des ballons qui te reviennent. C'est vraiment fucké. J'avais oublié que c'était ça. Il va falloir, je vais l'essayer. Ça doit être plate à mort, là, mais puis tout crush puis dur à jouer. Mais je vais un autre jeu qui mérite d'essayer. Fait que le jeu, il m'est revenu à 120, 160 plus taxes incluses. Puis ce jeu-là, pour l'avoir regardé, je savais qu'il valait au-dessus de 200. Mais price charting était à 230 environ. Fait que je l'ai acheté pour le revendre. Pour faire de l'argent. Moi, un crotté. Et puis je l'ai revendu, ça n'a pas été long. Je l'ai revendu très vite et puis ça a payé mes deux autres jeux. Alors je suis bien content. Tout ça m'a rien coûté. C'est-tu pas beau ça? C'est très beau. Et puis donc jeu plus. Je parlais de jeu plus en effet. Jeu plus qui était finalement à côté du Play and Trade. T'sais. Fait que je voulais aller au. J'ai pas insisté auprès de ma famille pour aller en plus chez Jeu plus. Parce que il était tanné, tu sais. Il voulait retourner à Montréal. Fait OK, là, je voulais pas les assommer encore. Puis parce qu'ils sont dans un centre d'achat, je me rappelle. Puis tout le monde était écœuré, là. Tout le monde voulait. Ben pas moi, là, mais ma blonde puis mon plus jeune voulait. Mon plus vieux était pas là, lui il suit plus. Il voulait retourner à Montréal. Fait qu'on n'est pas allé chez Jeux Plus, mais là, j'aurais aimé savoir ça. Parce que je pense que c'est là qu'il y a le plus de stock quand même, là. Et puis, ça sera pour une prochaine fois. On va peut-être faire justement le week-end prochain un game chasing à Sherbrooke avec des amis, un aller-retour. Fait que c'est sûr qu'on va passer par là. Il y aurait une arcade aussi dans ce centre d'achat-là. Fait qu'on peut aller voir ça. Ouais. Dans le temps, il y avait une arcade aussi sur Wellington qui croise King. Et puis Wellington, c'est la rue des bars, tu sais. Et puis, moi, je sortais sur Wellington. C'est à Well. Puis il y avait une arcade là aussi qui faisait le coin, c'était très cool. Good times. Fait que notre passage fut bref à Sherbrooke, mais j'ai au moins trouvé des choses. Fait que je suis bien content. Puis je voulais retourner aller à ces places-là. Jeu plus à ça pour une prochaine fois. Mais bon, je suis content d'être allé. Je vais y retourner bientôt. Fait que là, je vais avoir eu ma dose. Ma dose de Sherbrooke. Alors, je vais sortir ici, je vais parler du showcase de Limited Run, puis je vais vous laisser avec ça. Alors, je vais sortir ça. Attendez. Là, je vais muter des conversations, là, parce que ça finira plus, là. Et voilà. Alors, il y a eu un showcase de Limited Run, et puis le showcase de Limited Run, moi, c'est celui qui m'excitait le plus à travers tous les showcases, que ce soit Xbox, PlayStation, Devolver ou quoi que ce soit, parce que c'est des showcases de choses que j'achète. Donc, puis qu'on achète pour Retro Montréal aussi. Donc ça, c'est bien excitant. Alors, ils ont ouvert le showcase avec... Ils les ont tout en ordre ici sur leur page Facebook. C'est ça qui est bien. C'est pour ça que je vais absolument aller sur Facebook. Puis les scroller un par un. Puis je vais vous en parler de chaque, sauf ceux que je connais pas. Donc, ils ont ouvert ça fort avec Castlevania Advance Collection. Ça, c'est la collection de Castlevania Circle of the Moon, Harmony of Dissonance et Area of Sorrow, qui sont les jeux de Game Boy Advance, qui étaient vraiment excellents. Et si je me trompe pas, je pense même que Dracula X, Castlevania Dracula X est dessus. Laissez-moi vérifier, parce que ça, c'est quand même très cool aussi, là. CD Tales. Featured. Castlevania Circle of the Moon, Harmony of Dissonance, Area of Sorrow, Dracula X, Super NES. Voilà. Donc, définitivement une compilation à avoir. Vous avez peut-être déjà Castlevania Legacy Collection, je pense que ça s'appelait, avec ceux-là de NES et puis tout ça. Là, t'as ça en plus, t'es en grosse business, là. Je suis vraiment excité, vraiment content de ça. Puis je pense que je vais y rejouer de cette façon-là. Ben, quoi que je pourrais jouer sur ma pocket aussi. Tant de façons de rejouer à ces Castlevania-là, qui sont tous excellents. Donc ça, c'est cool. Le prochain en liste sur Limited Run, Rise of the Triad, Ludicrous Edition. J'ai aucune idée de ce que c'est. Alors, je passe. Scarlet... Kumaju Remilia Scarlet Symphony, version nord-américaine que Limited Run vont faire. Ça, c'est un genre de... Ça, c'est quelque chose que je connais pas, les Maju, Kumaju, machin. Ça existe, ça, là, dans l'univers des séries du Japon, de whatever. Je ne sais pas ce que c'est, mais on a eu ce jeu-là en importation chez Retro Montréal. Il nous en reste, d'ailleurs, un. Puis, c'était sympathique. C'était une copie de Castlevania, là, complètement. Et puis, mais c'est du niveau par niveau, avec pas de passage secret, très straight, là, vraiment. Fait que ça manquait un peu de profondeur, à mon avis. Puis, c'est ça, c'est pas éclatant, là, mais là, ils vont faire ça. Ce qui me pousse à me demander, parce que Limited Run, ils font ça de temps en temps. Mettons, Lovers in a Dangerous Space-Time, Xeo Drifter, Mutant Muds. C'est tous des jeux que je possède. Il y en a là-dedans qui valent cher. Lovers, il vaut très cher. En version PAL, qui était le premier release de ces jeux-là. Puis après, Limited Run, ils refont en nord-américain, tu sais. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends toutes les Limited Run? Ou c'est les first release PAL qui vont valoir plus cher? Moi, présentement, je suis plus tenté de garder le PAL. Si j'ai déjà le first release PAL, je ne vais pas racheter nord-américain, tu sais. Mais si j'ai pas PAL, je vais acheter nord-américain. Puis si à un moment donné, je tombe sur PAL, je vais regarder lequel vaut le plus cher, m'a gardé celui qui vaut le plus cher, tu sais. Mais là, pour ça, Scarlet Symphony, moi, j'ai la version, moi, japonaise. J'ai l'import japonais parce que c'était ça le premier print. Puis il y a d'autres jeux, plus tard qu'on va parler, que je vais parler, que c'est la même affaire. Fait que là, qu'est-ce que je fais? Je garde-tu le japonais ou je reprends le nord-américain, lequel va avoir plus cher? Puis là, je me suis dit, en toute logique, je possède déjà le japonais, alors fuck off, je vais pas dépenser de l'argent encore. Si jamais il arrive used, puis que le nord-américain, ici, je serais trop Montréal, je vais peut-être faire le switch, puis garder le nord-américain, je sais pas. Mais je vais pas racheter les jeux que j'ai déjà. C'est ça que je vais faire. Ben, le prochain, justement, la compilation de Tiger et Lee. Ultimate compilation de Toplan, Arcade Garage, Kyoku, Tiger et Lee. Donc, ça, c'est un shmup d'hélicoptère, Tiger et Lee. J'ai acheté ça sur Plagia. Et puis, super beau cover, avec les gros tigres dans le ciel, les hélicoptères, c'est malade. Plein de jeux de Tiger et Lee. Je l'ai même pas déballé encore, j'ai pas eu le temps. Puis, Chris, ok, j'ai ma version japonaise. Fait que je vais garder celle-là. Ça a coûté cher, là, commander ça de chez Plagia, là, tu sais. J'ai la série à l'Est aussi, que j'avais commandé en même temps. Check, ben, ils vont faire ça nord-américain. Ah, ça c'était drôle. The Making of Karateka. Karateka, c'est un jeu de karaté qu'il y a eu sur des vieux ordinateurs, des consoles, Atari, même au Famicom. Et puis, c'est vraiment comme face à face, punch d'en face, bloc. Tu sais, c'est frapper ton ennemi, puis le personnage il avance doucement, puis c'est de l'animation. Tu sais, c'est quand même bien fait là, pour ce que c'était à l'époque. Fait que je sais pas ce que ça va être ça, mais c'est fait par Digital Eclipse, qui sont des génies de refaire des compiles de vieilles choses. Donc, ils ont fait Turtles Kawabunga Collection, Atari 500, puis avant ça, Street Fighter, SNK. Tout ce qu'ils font de reprendre puis de faire des compiles de vieilles choses, c'est tout magnifique, c'est tout des hits. C'est une excellente, c'est de la qualité. Quand vous voyez Digital Eclipse, c'est de la qualité. Fait que là, ils font ça, il va y avoir 4 jeux karatéka là-dessus, puis un documentaire. Je suis intéressé de voir le documentaire, tu sais, mais ces jeux-là, Karateka, Chris, c'est un jeu à Atari, là, ça pèse à rien, là, tu sais. Fait que, c'est ça, je suis curieux. Je vais sûrement me pogner ça, là, ça va être nice. J'espère qu'ils vont mettre la pochette, là, Atari 7800, là, qui devrait être la pochette originale pour tous les jeux de Karateka anyway, là, vraiment belle. Puis c'est un jeu qui a été quand même précurseur, tu sais, qui a amené des choses, là, une mécanique puis un gameplay intéressant. Donc, moi, je trouvais ça cool, tu sais. C'est pas à se garrocher à terre puis à virer fou, mais cool stuff, tu sais. Gros paquet de vinyle de Turtles. Turtles 1, 2, 3 au NES, 1, 2, 3 au Game Boy, au Super NES, au Genesis, puis un autre que Tournament Fighter au Genesis aussi, je pense. Alors, si vous aimez les Turtles, vous voulez toute la musique en vinyle, les voilà, c'est pas pour moi. Roller Coaster Tycoon 3, Complete Edition, jamais joué à ça, ça m'intéresse pas. Bon, ça c'est rien. El Shaddai, Ascension of the Metatron. Ça c'était malade. Ça c'était malade. Non, mais El Shaddai, c'était un jeu intéressant qu'il y avait sur PlayStation 3 et Xbox 360. Puis c'est un jeu qui valait cher. On va aller voir ça. Au PlayStation 3, ça vaut 50$. Au Xbox 360, ça vaut 20$. Donc ça l'a droppé, à mon avis, parce qu'il me semble qu'à l'époque, ça valait plus que ça. Ça va peut-être dropper encore plus quand cette version-là va sortir, qui sait. Mais moi, je l'avais essayé un peu, puis il y a du potentiel. C'est un jeu assez fucké, mais quand même cool. Je trouvais que c'était une belle surprise, tu sais. Il va se faire redécouvrir de cette façon-là, ce jeu-là, puis je pense qu'il le mérite. J'ai jamais fini, là. C'était trop long, là, mais moi, j'avais acheté une PlayStation 3 à l'époque, puis... J'étais vraiment pas dedans, là, tu sais, je l'ai à peine utilisé. Fait que, mais ça c'est cool, ça c'est intéressant, je vous le dis. Dungeon of Aether, ça c'était quelque chose qui existe, puis là ils le font en genre de tour par tour, jeu d'action, jeu de RPG, machin. Je sais pas trop, je connais pas ça, je l'ai jamais essayé. Chicory, je sais pas ce que c'est non plus, genre d'aventure, de crayon, whatever, ça m'intéresse pas. Shantae Advance, donc dans le temps, Shantae, les gens qui font Shantae ont fait travailler sur un Shantae au Game Boy Advance, et puis le jeu a été canné finalement, ça a été cancellé, puis le jeu était non terminé. Puis là, de ce que je comprends, c'est qu'ils ont terminé le jeu, et puis ils le rendent disponible. Fait que j'ai hâte de voir ça, je sais pas si ça va être un jeu énorme, tu sais, probablement pas, dans le sens de pas très long. Et puis, j'étais un peu déçu, on s'attendait à tout avec l'annonce de Matt Boson qui allait avoir un nouveau Shantae. Mais c'est pas... c'est un nouveau Shantae, là, mais c'est pas un nouveau Shantae, tu sais. Mais c'est correct, là, c'est mieux qu'un coup de pied d'un gosse, comme on dit. Ça, c'est quoi, ça? A Collection in Bear's Restaurant and Fishing Paradise... Oden Cat's Paradise Collection. J'ai aucune idée de ce que c'est, ça. Plumbers Don't Wear Ties, le grand classique qui a été repoussé. Là, c'est supposé arriver en septembre, ça, là. Fait qu'on va voir à ça. C'est un jeu très weird qu'il y avait sur 3DO, me semble. Et puis, c'est juste filmé. Une niaiserie. Il y a des affaires sexuelles là-dedans, je pense. Arzet, The Jewel of Faramor. Donc là, quand Limited Run, dans leur annonce, ils ont dit « Vous vous souvenez? La CDI? Vous vous souvenez? Zelda? » Là, j'étais « Oh, oh, oh, ils vont re-release les Zelda sur CDI, t'sais, c'est malade, c'était dégueulasse ces jeux-là, mais quand même, t'sais, ça fait partie de l'histoire des jeux vidéo, c'est fou raide. » Mais finalement, non, ils font juste utiliser ce visuel-là, puis ce gameplay-là pour refaire, pour créer un nouveau jeu qui va être Arzet The Jewel of Faramore. Fait que... Ouais, c'est ça. C'est une nouvelle aventure. Je pense que c'est créé de toutes pièces. Là. Je pense pas que ce personnage-là existe. On va en commander. On va peut-être m'en pogner un, mais c'est pas Zelda, tu sais. Ben, ça aurait été surprenant, Zelda, sérieux. Je vois pas comment ça aurait pu être, là, de toute façon. Ça appartient à Nintendo, tout ça. Fait que, bon, un peu décevant, mais on va faire avec ce qu'on a. This Way Madness Lies, je ne sais pas ce que c'est. Midnight Fight Express, je ne sais pas ce que c'est. Colossal Cave, je ne sais pas ce que c'est. Ça, c'est quoi ça? Another Crusade, je ne sais pas ce que c'est. Gargoyle Remastered. Donc, ça, c'est cool. Il n'y avait pas eu de jeu de Gargoyle au Super NES, il y en a eu un au Genesis. Et puis, je pense que c'était quand même bien. Alors, remaster tout ça, c'est cool. Alright. Ça, c'est fucké, ça. The Rose and Camellia Collection. Fait que je sais pas ce que c'est, cette affaire-là. Ça a l'air d'être un jeu de comme un roman. Comment est-ce qu'il appelle ça, non? Je me rappelle plus. Mais t'as du timing à peser sur le bouton. Puis tu slaps le monde d'en face, des claques d'en face. C'est un jeu de claques d'en face. J'ai aucune idée de ce que c'est. Mais c'est malade. C'est complètement fucké. Fait que ça, je suis curieux d'en apprendre plus sur cette niaiserie-là. Ça semble, c'est une collection. Fait qu'il y a plusieurs jeux, tu sais. C'est intéressant. C'est intéressant. Double Shake. Non, pas Double Shake, excusez. Tomba. Ça, c'était cool, ça. Les jeux de Tomba qui ont PlayStation 1. C'est, je pense, des 3D platformers qui doivent valoir cher, d'ailleurs. Je regarde. Je regarde immédiatement. Ça va vous donner une idée. Tomba au PlayStation 1, complet dans la boîte, ça vaut 200$. Tomba 2, ça vaut 150$. Étrange, le 2 vaut moins cher. Et puis, voilà. Donc, c'est des jeux qui valent cher, des aventures 3D. Une mascotte, là, Tomba, là, j'ai jamais joué. Mais c'est cool. Belle petite compile, tu sais. On va commander ça. Clock Tower. De ce que je comprends, je connais pas la série Clock Tower, mais je pense que c'est un genre de remake de celui au Super Famicom, qui était le premier Clock Tower, et je peut-être. En tout cas, c'est du vieux Clock Tower. Les amateurs de la série sont bien contents. Jurassic Park Collection. Ça, c'était. Ouais, ça, c'est spécial. C'est les jeux de NES, les jeux de Game Boy. Je sais pas s'il y a d'autres jeux de Jurassic Park qui sont inclus là-dedans. On va aller voir. Je vais cliquer. Sur ça ici. Oui. See details. Alors. Jurassic Park 2, 16 bits. NES, Game Boy et Super NES. That's it. Fait que tous les Jurassic Park. Il y a même pas de Genesis ni rien. Ok. Fait que les Jurassic Park de Nintendo, quoi. Pas très. Pas fou, hein, comme on dit. Encore une fois, à quoi ça sert de faire ça, t'sais? Ouais, personne ne demande ça. Pourquoi? En tout cas, s'il y avait eu Genesis, puis Fred Jemus nous dit qu'il y en a aussi sur des vieux Amiga, je sais pas quoi, t'sais, ça aurait été malade. Mais non, c'est juste ceux-là, t'sais, qui sont pas vraiment bons. Ben, quoi, le 2 au Game Boy est très bon. C'est pas que de la merde, mais t'sais, ça aurait pu être tellement en plus. Et puis, ils ont fini ça avec Gex Trilogy. Une autre affaire que personne ne demandait, mais. Donc, ce que Limited Run font maintenant, c'est qu'ils utilisent le engine qu'ils ont développé, le Carbon Engine. C'est un outil, c'est un moteur qu'ils ont développé eux-mêmes chez Limited Run pour être capable de porter des vieux jeux facilement sur des consoles modernes. Vous pouvez aller voir sur le site de Limited Run sous l'onglet Carbon Engine pour toutes les explications scientifiques autour de cette affaire-là. Donc, on dirait que Limited Run, ils vont se mettre à aller creuser sur des affaires plus ou moins désirables comme Gex, tu sais, ces affaires-là, puis commencer à faire des compiles de ça. Mais bon, tu sais, ça peut être cool aussi. Vous avez peut-être grandi avec Gex puis Tomba, puis là vous capotez votre vie, ça se peut très bien, tant mieux, c'est pas tant pour moi. Mais bon. Fait que c'est pas à se tirer par terre tout ça, vraiment pas. Par contre, il y a une autre affaire ici qui a sorti et puis qui était pas dans la présentation. C'est la Telenet Shooting Collection. Donc, ça, c'est malade. C'est une collection, whoops, de shmup. Et puis, ça contient, excusez, des excellents shmup. Je veux vous les nommer. Des shmup qui valent cher. Donc, puis un beau petit case, là, de luxe édition. Très cool. Donc, j'aime ça, on va aller lancer des termes. Alors, ça contient les jeux Avenger, Gaia-Res, Granada et Psychic Storm. Toutes des jeux Genesis, je pense. Toutes des jeux qui valent très cher aujourd'hui. Donc, je suis pas sûr là, que c'est tout Genesis encore. Mais c'est de la qualité. Donc, très belle compilation. C'était pas dans la présentation, mais ça existe. Fait que vous checkerez ça. Alors, c'était ça pour les Method Run. Là, je vous parle de ça. On va recevoir tout ça dans un an et demi, n'est-ce pas? Fait que, à suivre. Ah, puis là, faut vraiment que je vous laisse parce qu'il est 10h et quelques. Et puis, faut que je travaille. Les messages s'accumulent. Et puis, voilà. Donc, ça fait le tour pour aujourd'hui. Un énorme merci, encore une fois, au café Level Up.coffee. Faites une commande en ligne, utilisez le code PAPA10 pour 10% de rabais. Et puis, merci à tous d'avoir été à l'écoute. Et puis, continuez de suivre les pages Facebook et Instagram de Papa Cassette et de Retro Montréal et de Arcane Montréal pour mon univers personnel épuisant. Fait que je vous laisse, je vais travailler. Merci beaucoup. Bye.